Exercice 8, page 72. A. C'est notre fils. Transformer. C'est leur fils. B. C'est notre fille. Transformer. C'est leur fille. C. C'est notre mère. Transformer. C'est leur mère. D. C'est votre père. Transformer. C'est leur père. E. C'est votre chien. Transformer. C'est leur chien. F. C'est votre chat. Transformer. C'est leur chat.